perdu dans le labyrinthe du minotaure. Je recherche le minuteur, j'esquive le mirador placé à mi-hauteur. Je contemple la mise à mort de mon ami docteur que les filles adorent. Pour lui c'est game over. Il donne du fil à retordre et de la puanteur. Pendu par sa corde, visiblement il en meurt. En plus un chien tente de mordre sa mère en pleurs. Cette ironie du sort me fend le cœur. Je courfus le décor, ça me fait peur. Y'a plus de symptômes, plus de symboles, ni de symboles dans leur symptôme. À la poursuite du Saint Graal comme un syndrome, mais je ne trouve que des symboles. Une table de mixage, j'ai un drum, alors s'installe un débat entre moi et mon clone. Mais j'aime pas son style et son look d'autochtone. Pareil pour ses choix politiques, ses penchants sodomites et ses visibles, très risibles, indivisibles et méprisables. Malgré ceci, je reste de marbre et rencontre Denise, pas perché dans un arbre, bec dans son bec un cadavre. J'ai des vertiges, c'est macabre. Y'a plus de symptômes, plus de symptômes, ni de symboles dans leurs symptômes. À la poursuite du Saint Graal comme un syndrome, mais je ne trouve que des symboles. Table de mixage, un drum, alors s'installe un débat entre moi et mon clone.